Mais que s'est-il passé un 5 mai ? En 1985, Elio De Angelis réalise l'exploit de remporter le Grand Prix de Saint-Marin sans mener un seul tour. Ce jour-là, la consommation d'essence fut très élevée et Senna, Johansson, Piquet et Boutsen tombent en panne dans les derniers tours. Alain Prost récupère la victoire mais sera disqualifié pour voiture trop légère, permettant à Elio De Angelis de remporter son deuxième et dernier Grand Prix. En 1996, sur ce même circuit d'Imola, Damon Hill remporte donc le Grand Prix de Saint-Marin, sa quatrième victoire en 5 courses. Il devance Michael Schumacher sur sa Ferrari devant les Tifosi, mais l'Allemand l'a échappé belle puisque sa roue avant droite s'est grippée dans la dernière ligne droite, il a tout de même pu passer la ligne. En 2003, Sébastien Bourdais remporte sa première course en kart sur le circuit britannique de Brands Hatch. Parti deuxième, le Manceau a parfaitement géré sa stratégie et les retardataires pour dépasser Paul Tressy et s'imposer pour la première fois. Cette première victoire étant suivie par un deuxième succès une semaine plus tard sur le Lausitzring. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain!